Objectif numérique, épisode 37. Au menu, des nouvelles de Canon, des objectifs NEX, deux tablettes portables et stylets Wacom, l'impact d'Instagram sur le photojournalisme, quelques utilisations originales de l'appareil photo de votre smartphone, la critique du Sony Xperia Z, la critique du Fujifilm ES50 EXR. Stéphane Vaillancourt au micro, accompagné de mes co-animateurs habituels, Christian Jarry. Salut Stéphane. Et François Blanchette. Salut. Alors avant de commencer, messieurs, je vais faire un petit rappel pour le défi photo numéro 5 qui porte sur les animaux, la photographie animalière. On a déjà reçu pas mal de soumissions et on va offrir une semaine bonus en fait parce que au moment de mettre l'épisode sur les internets, techniquement, le défi devrait se finir, mais on a rajouté une semaine bonus pour les soumissions. Puis parce qu'on est gentil. Parce qu'on est gentil, tout simplement. Et je voudrais vous annoncer qu'à partir du défi photo numéro 6, qui sera le prochain, il y aura un prix pour le gagnant. Alors, on aura... Ça devrait être ça, là, mais... non, on aura un abonnement d'un an au site 500px, le forfait Awesome, qui vaut quand même 75$ Awesome. Awesome. Awesome, c'est le cas de le dire. Fait que là, celui-là, on peut participer, par exemple, nous autres, ça je me rappelle bien. Mais non, messieurs. Même quand il n'y avait pas de prix, on n'avait pas le droit de participer, ni de voter. Même si je m'inscris à Twitter. Même si tu t'inscris à Twitter. Ben, coudonc, ça va être une autre fois. Ah, il m'a eu. C'était fait à voir. Bon, mais pour ta punition, François, c'est toi qui vas enchaîner avec une question d'un auditeur sur Twitter, justement. Ah oui? Mais je te l'ai refilé, histoire peut-être de te donner le goût en voyant l'interaction que l'on vit sur Twitter. Écoute, on va essayer. C'est tellement vivant, là. C'est... On va essayer. Donc, la question qui nous provient de... Bon, on n'a pas son nom, son vrai nom, mais son nom d'utilisateur, ça serait C. Pateron. Alors, il nous demande, qu'est-ce qu'un objectif pancake? C'est pas compliqué, mon cher ami. Un objectif pancake, c'est un objectif à focale fixe qui est tout simplement très mince, très plat. Il n'y a rien d'autre que ça, que sa forme physique. Donc, il ressemble à une pancake. Exactement. Ouais. C'est son avantage. Sont épaisses vos crêpes, j'ai rien à dire. On peut glisser ça un petit peu partout dans ses poches ou dans un sac. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Sinon, c'est la même chose que n'importe quel objectif. C'est vraiment son surnom à cause de sa forme. Et particulièrement c'est utile avec les micro 4 tiers. Ça te permet, dans ce cas-là, de presque d'en glisser ta caméra au complet dans une poche. Oui, presque. Oui. Mais c'est vrai, on transforme presque un appareil micro 4 tiers en appareil compact, tout ouais. Simplement. Alors voilà. Excellent. C'est pas plus long que ça. De son côté, Canon vient d'annoncer en fait 4 nouveaux appareils compacts. Et il y a le PowerShot G16. Le PowerShot S120, le PowerShot SX510 et le PowerShot SX170. Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit par chez nous? Le G16, évidemment, va remplacer le G15, qui était son prédécesseur. Et c'est un appareil à 12,1 mégapixels avec un capteur de 1 sur 1,7 pouces. Son objectif, très intéressant, a une focale de 28-140 mm, donc un zoom 5x. Mais son avantage principal, si on veut, c'est qu'il y a une ouverture maximale de f1.8 à 2.8, ce qui est assez impressionnant. À 140 mm, une ouverture de 2.8, là, c'est... Ouais, c'est rapide. Oui, très très bon. On a un écran 3 pouces qui est le standard de nos jours. On peut filmer en HD 1080p, 60 images secondes. Il y a un processeur DIGIC 6, donc qui se retrouve dans les nouveaux appareils Canon, dont le 70D. On a du Wi-Fi, évidemment, avec toutes sortes de fonctionnalités. Un mode rafale 9,3 images secondes, une stabilisation optique et un ISO qui peut aller à 12800. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est pas pour rien que c'est le top of the line, la Cadillac des point and click, de point and shoot de Canon. Oui, c'est absolument. Pas surprenant. en effet. Ensuite de ça, bon, il y a le PowerShot S120 qui a, lui, le même capteur, 12,1 mégapixels, même taille, une focale similaire, mais un petit peu plus courte, 24 à 120 mm. Cette fois-ci, on parle d'une ouverture maximale de f1.8 à 5.7. Ça, quand même, 1.8, ça ouvre. Ça peut être intéressant, grand. Oui, ça peut être intéressant malgré tout. C'est ça. Je vous parlerai tout à l'heure de mes objectifs que je me suis acheté récemment. C'est quand même... La focale baisse vite. Pas la focale, l'ouverture maximale baisse vite d'habitude selon la focale, là, peu importe l'objectif qu'on achète. Un autre écran 3 pouces, celui-là est tactile. HD 1080p, 60 images secondes, même processeur. Le reste de l'appareil ressemble pas mal. La Rafale, 9,4 images secondes. Donc, aussi bien dire que c'est sensiblement les mêmes caractéristiques, là, sinon. Le boîtier un peu plus compact, par contre, que le G16, là, qui est un petit peu plus gros, mais probablement dû à l'ouverture, puis aussi pour la prise en main. Un petit soulèvement, si on veut, sur le côté droit, là, pour la prise en main. Parlant de prise en main, celui-là en a encore une meilleure, c'est le SX510HS, qui ressemble pas mal à un hybride, je dirais. En fait, c'est pas mal un hybride. Le capteur est un petit peu plus petit, 12,1 mégapixels, 1 sur 2,3 pouces le capteur. On a un zoom 30x cette fois-ci, donc de 24 à 720 mm. Et là, ben, à ce moment-là, on parlera pas d'ouverture maximale parce que ça doit baisser assez vite. Ouais. Et bon, un écran 3 pouces comme d'habitude, Full HD 1080p, mais on parle de 24 images secondes. Donc, ça sera à voir là, pourquoi il n'y a pas du 30. C'est peut-être juste pas mentionné, parce que généralement, les appareils couvrent à peu près tous les frame rates. C'est surprenant, oui. Ouais. C'est surprenant. Celui-là, ben, c'est un écran 461 000 points. J'ai pas mentionné pour les autres, là, mais je crois que c'était du 920 000 points, oui, pour les deux premiers. Donc, celui-là, c'est un appareil peut-être un petit peu plus d'entrée de gamme, là, si on veut. Un bridge. processeur DIGIC 4. Donc, on est dans l'ancienne technologie, mais ça se veut un appareil beaucoup plus abordable aussi. Là. Pour le G16, désolé, j'ai oublié les prix. Pour le G16, on parlait de 549 $. Le S120, on parle de 449 $. Et voyez-vous, le SX510HS, dont je vous parle en ce moment, 249 $. Ah ouais, donc, c'est ouais. vraiment accessible. Ouais. On a quand même un ISO qui peut aller jusqu'à 3200, donc peut-être 800 ou 1600 utilisables, là, si on veut. Et bon, un paquet de mods et possiblement des filtres et compagnie pour s'amuser. Là. Découvrir la photo, en fait, c'est peut-être un bon appareil pour... parce qu'il y a une molette des mods sur le dessus, etc. Fait que ça peut être intéressant, peut-être quelqu'un qui a... Il ne veut pas investir tout de suite dans un réflexe, mais ouais. il veut voir s'il est capable d'utiliser les modes semi-automatiques ou manuels. Puis... La prise en main va se rapprocher beaucoup de ce qu'il y a un réflexe. Oui, exactement, à cause de la forme du boîtier. Finalement, le SX170, lui, c'est vraiment un appareil d'entrée de gamme. On parle de 179 $. C'est un capteur 16 mégapixels, 1 sur 2,3 pouces. On a un zoom optique 16x, donc 28 à 448 mm, toujours un écran 3 pouces, 230 000 points celui-là par contre. Donc il faut vraiment zoomer au maximum pour voir si la photo est nette. vidéo 720p, processeur DIGIC 4 encore, mais bon, il y a un mode macro qui pourrait être intéressant si les gens veulent s'amuser, là, mais c'est vraiment un appareil vraiment pour commencer, ou un appareil peut-être pour un enfant, un ado. Okay, oui, peut-être offrir un cadeau à un ado, là, c'est quand même 180 $. Ça fait un beau cadeau. Ouais. Moi, je refile mes vieux appareils à mes enfants. Donc, mais là, je suis sur le point de ne plus pouvoir le faire parce que même le XSI, là, le Canon XSI, c'est un peu gros pour ma fille. Là, mais peut-être d'ici 2-3 ans. Elle s'intéresse beaucoup à la photo, d'ailleurs. J'avais aucune idée pourquoi. Non, je comprends pas. Curieux. Ensuite, toujours dans le Canon, dans les annonces Canon, on a la nouvelle itération du PowerShot N, qui est un appareil super compact avec un écran pivotant un peu à l'arrière. J'ai vu les photos. Ils ont ajouté un bouton Facebook, donc un bouton pour partager sur Facebook directement, un peu dans la même foulée que Samsung, qui a un bouton Share dédié sur le boîtier. Par contre, pourquoi uniquement Facebook? Je ne sais pas trop. Il y a d'autres choses que Facebook? Ben, je pense que c'est... Je pensais qu'il y avait Google Plus, Picasso. Oui, question de partenariat. Là, ouais, j'imagine probablement. Ça, c'est ouais. Facebook qui a payé, en fait, pour changer le boîtier. Puis, non, ça non, serait ça... à peine surprenant, honnêtement. Là. Mais bon, blague à part, le boîtier est super mignon. C'est très joli comme petit boîtier. Mais sinon, si vous avez déjà vu les caractéristiques du PowerShot N, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de spécial ou d'amélioré sur ce boîtier-là. C'est l'apparition du bouton Facebook, tout simplement. Et enfin, Canon annonce une nouvelle version de l'objectif 55-250 mm, qui est un f4 à 5.6, stabilisé, mais step motor, donc le fameux STM, dont le Canon 70D va tirer profit. En mode de vidéo et compagnie, avec l'autofocus vidéo, là, les objectifs STM sont très silencieux. Ouais, et c'est plus, ça leur point. Plus smooth, ouais. Si on veut, plus doux dans la transition. Donc, ça sera surveillé. Et je ne me souviens pas s'il y avait un prix là-dessus, malheureusement. Relativement similaire à l'autre, de toute façon. $350, à peine plus cher, parce qu'on parle d'à peu près 280, ouais. Je crois, 285 pour la version. Que j'ai, moi, et même, voyez-vous, ça fait au moins 3 ans que je l'ai et il n'a pas changé de prix ou à peu près pas. Non. Donc, à $350, si vous avez un nouvel appareil qui tire profit de comme le 70D, si vous décidez de l'acheter, ça peut être intéressant. C'est vraiment pas cher là, pour avoir un zoom de base. Et parlant d'objectifs, messieurs, vous savez, je me suis gâté. C'est mon anniversaire ces temps-ci. Ouais, ouais. Et je me suis tout payé... un anniversaire. Il ouais. a eu d'ailleurs. Ouais, ouais, ben, ouais. Quand on change de décennie, on se permet des cadeaux un peu plus gros. Donc, je me suis payé 2 objectifs pour mon petit Sony Nexis. Je me suis acheté un 50 mm f1.8, celui de Sony, pour le portrait et compagnie. Et je me suis aussi payé le Tamron 18 200 mm f3.5 6 à 6.3. Et bon, le 50 mm se détaille à environ $290 et on est loin d'un objectif pancake. Hein, oui, oui, il est assez gros, merci pour... ouais, il fait, ben écoutez, je l'ai seulement en pouces, mais on parle de 3 pouces de long à peu près. Là, donc, ça, j'allais dire à peu près 10 cm là, facilement, là, c'est pas loin. Moi, ben peut-être plus 8, là, mais... Ouais, mais en tout cas, pas bien loin, disons. Ouais, tout près de 8 cm en longueur. C'est long pour un 50 mm fixe. Oui. Surtout pour un petit micro 4 tiers, là. Oui, ça fait gros un peu pour la taille du Nexis, mais c'est pas si mal. C'est... Mais en la qualité visuelle, par contre... Oui, ouf. En fait, c'est ça, on pourra... Je ferai peut-être un mini-test dans un épisode ultérieur. J'ai pas vraiment pris le temps, là, en quelques jours. Ben évidemment, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ben, en fait, lui, il est argent, donc ça donne un style aussi à l'appareil. Il est super beau, moi, je trouve. Ouais. Moi, j'aime beaucoup son look. Ça, fait classe sur le boîtier noir. Ouais. Mm-hmm. Ensuite, ben, pour le 18-200 mm, j'ai hésité entre le Tamron et le Sony. Par contre, bon, le Tamron était moins cher. On parle de 6 ans de garantie sur l'objectif plutôt que 2 pour le Sony. Mais bon, ce côté stabilisation, netteté et compagnie, c'était pas mal... semblable, très similaire. Vitesse de mise au point aussi, ça dépend des situations. Parfois, le Tamron va être plus rapide un peu, parfois, il va être plus lent. Donc, je me suis dit que je faisais un compromis, mais la qualité d'image est quand même très bonne. Et bon, pour celui-là, on parle de $740, mais certaines boutiques le vendent jusqu'à 800. Donc, faites toujours le tour des sites Internet et des boutiques et apportez une preuve en magasin pour éviter de perdre votre temps aussi. Mais c'est ça. La plupart des boutiques vont généralement vous offrir un rabais là, pour arriver au même prix que la compétition. Du côté du Sony, lui, on parle d'environ $850, je crois. Donc, ça faisait quand même une différence de $110 dans ce cas-ci. Et donc, mais il y avait aussi d'autres différences. C'est que la molette de zoom, si on veut, là, pour augmenter la focale, sur le Tamron, est un peu plus raide, un peu plus dure. Ouais. Sur le Sony, elle est très, très douce, ça va très bien. Mais si on pose l'appareil photo à la verticale, donc l'objectif à la verticale, il va soit rentrer à l'intérieur ou sortir. Si... Donc, tu essaies de faire de la photo, tu dois absolument le tenir parce qu'il ne il se retient pas lui-même. Il ne reste pas à la focale que tu as choisie. Ça, c'est très désagréable. Exactement. Donc, je me suis dit... Plutôt que d'avoir à ragé après l'objectif. Mm-hmm. Qui, je me suis dit... Qui s'est déplacé. Ouais, ouais. Mais tu sais, il n'est pas si raide que ça non plus. Quand tu veux changer la focale, j'avais peur que ça force la bague un peu où on le branche, là. Mais non, ça va très bien. Je l'ai même pas remarqué en l'essayant tantôt. J'ai vu qu'il était raide, mais pas ça m'a pas frappé vraiment. Là. Puis, j'ai même essayé même la mise au point manuelle avec la bague. Et celle-là, ça va très bien. D'ailleurs, c'est ça. Pour le 50 mm, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la mise au point est très... C'est long à faire, la mise au point. Oui. François, tu l'as essayé samedi soir. Oui, oui, oui. Puis, pendant ta fête. Oui. Et puis, non, effectivement... En basse luminosité, il est pas très bon. Non, c'est pas ça. C'est que pour faire la mise au point manuellement, c'est vraiment long. Ouais. Il faut tourner. Là, la course entre le point le plus près puis l'infini, c'est assez long. Ouais. Ça devrait pas prendre autant de tours. Non, c'est ça. En vidéo, c'est ça qu'on veut. Ouais. Parce que, mais c'est plus doux, mais en photo, on veut pas ça. On veut arriver le plus vite possible. C'est ça. Donc, pour ça, ça serait peut-être un point négatif du 50 mm 1.8 de Sony, mais sinon, la qualité d'image, comme Christian disait, est impeccable, là, est très, très bonne. Le Tamron, lui, par contre, beaucoup plus rapide pour la mise au point. Je l'ai essayé un peu en manuel, mais évidemment, je l'ai essayé aussi en 200 mm. Là, quand le Nexus fait le x2 pour aider à la mise au point manuelle, à 200 mm, ça vibre. Il y a beaucoup de vibrations, c'est incroyable. C'est plus difficile, mais à une focale plus courte, ça fonctionne numéro un. Là. Ça fonctionne très, très bien. Donc, dernière différence entre les deux. Le Tamron a 17 éléments de verre contre 15 pour le Sony. Il y en a qui sont fans peut-être de physique là, et qui vont dire, bon, ça traverse plus de verre, il va avoir moins de netteté ou de qualité. De ce que j'ai vu, moi, même avec des rognages à 100% sur le net, c'était très similaire. Là. Il faut vraiment, comme on dit, chercher les bébites. Ouais. Donc, c'est ça. Ça risque d'être pas mal mon objectif de tous les jours, ce petit 18-200. Je garde évidemment quand même le 16-50 parce qu'il est motorisé. Il est quand même intéressant. Mm-hmm. Et compact. Et compact. Donc, pour faire de la vidéo, le petit zoom motorisé, c'est intéressant parce que c'est très, très smooth, si on veut. Ou ça peut être ultra rapide aussi. Mais c'est ça. Petit défaut. Comme je l'ai dit, je pense, on tombe rapidement à 6.3, hein, 75 mm à peu près. Là, ça, j'étais un petit peu déçu, mais je m'y attendais, donc c'est pas trop mal. Par contre, on s'entend que c'est pour faire de la photo à l'extérieur, parce que dès qu'on dépasse le 75 mm, ça prend beaucoup de lumière. Donc, puis d'ailleurs, messieurs, je me suis commandé un beau petit sac de type messager pour mon Sony Nexus. Je devrais le recevoir d'ici une ou deux semaines et j'ai bien hâte de vous le montrer parce qu'il va y avoir une petite surprise. OK. Enfin, je vais publier quelques images sur le blog, chers auditeurs, afin de vous montrer le résultat de mes tests rapides avec mes nouveaux objectifs. Puis, c'est ça, vous verrez bien. Le Tamron est pas mal du tout. Maintenant, Christian va nous parler d'un tout autre sujet. Des produits Wacom qui viennent d'être annoncés ou qui sont sortis de... Ils viennent d'être annoncés. Je ne suis pas sûr qu'ils sont encore disponibles. De toute façon, entendons-nous que c'est pas... pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que même Stéphane m'a posé la question à savoir pourquoi qu'on parlerait de ça, en fait. Parce que, est-ce qui utilise vraiment ça? Je dois dire que moi, j'utilise très, très, très souvent ma tablette quand je fais de l'édition photo. Particulièrement pour changer des petits détails, là, on parle de détails mineurs. Là. Exemple, on veut juste améliorer un peu la peau, là, on a un petit bouton, des affaires comme ça. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux que d'y aller avec la souris, c'est beaucoup plus précis. Puis bon, ce sont, moi, j'en ai une vieille là, qui a 5-6 ans, là, une tablette Wacom Bluetooth, dans le temps que c'était pas encore très populaire. Là. J'avais payé ça une fortune, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup le fait que t'as pas de fil avec, justement. C'est très, très portable par rapport à ça. Puis c'est une... 12x10. Fait que c'est quand même assez gros, là. Les deux nouvelles qui ont été annoncées, on parle de... pas vraiment des bas de gamme, par exemple. Je vous avertis tout de suite, mais j'ai trouvé le concept tellement intéressant, tellement intriguant, que je me suis dit, il faut qu'on en parle. La première, c'est une tablette de 13.3 pouces. Donc c'est quand même assez gros. Oui. Mais en fait, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur complet, une tablette Windows 8 avec un processeur Intel Core, processeur Intel HD Graphics 4000, 8 GB de mémoire et un SSD ou de 500 256 gigabits ou 512 gigabits. Oh. Gigaoctets, oui. Ouais. Mais c'est presque plus c'est une... performant que mon Asus Tai Chi. Je sais. Oui, mais le prix va avec. Ah, OK. Le prix va avec. On parle de la première est à 2000 $ et la deuxième est à 2500 $. Oh, OK. Okay, ouais. Il y a une niche pour... C'est ça. C'est une niche pour des gens qui savent exactement ce qu'ils ont besoin. Exact. Mais là, on parle de quelque chose avec le stylus. Tu es capable de dessiner. Tu es capable de faire plein de choses avec ça. Mais... moi, ce qui a été la chose la plus dure à m'habituer, parce que oui, je fais de la photo, mais je fais aussi du dessin. Ce qui a été dur à m'habituer, c'est quand tu dessines sur ta feuille de papier, fait que tu vois ce que tu fais. Quand tu dessines avec la tablette, c'est tu dessines, mais tu regardes l'écran. Ça a été très dur à m'habituer ça, au début. Maintenant, je vois plus de différence, mais ça a été dur. Tandis que là, c'est génial. Tu dessines directement sur ton écran, comme tu ferais avec un iPad ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que l'iPad, ben, vous le savez, il n'y a pas de stylus vraiment spécifique à ça. Donc, la main peut interférer, faire c'est des contacts. Ça, exactement. Hein, c'est ça. Je vais revenir là-dessus, par exemple, parce que Wacom aussi en ont annoncé quelque chose d'intéressant par rapport à ça. L'autre tablette est quand même aussi assez intéressante. C'est une tablette qui est, dans le fond, utilisée comme une tablette normale Wacom, mais c'est Android qui roule dessus, avec un processeur Tegra 4. C'est quand même pas si mal. C'est Android Jelly Bean. Puis on peut l'utiliser là, vraiment comme une tablette, dans le fond. Fait que on la connecte à son ordinateur, mais on dessine directement sur sa tablette. Mais encore une fois, ce qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser tout seul et faire le dessin tout seul sans avoir besoin de l'ordinateur. C'est juste que c'est moins puissant que l'autre ordinateur. Puis l'autre, ce qui est génial, c'est qu'on peut installer Photoshop ou quoi que ce soit. Là. Tandis que l'autre, la tablette Android, ben faut y aller avec les logiciels qui viennent avec. Ouais, ouais. Le prix, par contre, pour la version 16 Go, on parle de 1500 $ puis la 32 Go de 1600 $ OK. Fait qu'il y a quand même une énorme différence de prix, là, 500 $ dans ce coin-là. Pour le 500 $ avec pour le modèle de base, là, c'est quand même un rabais intéressant. Et finalement, le troisième, c'est un stylus que Wacom a appelé le Tuos Creative Stylus, qui est utilisé pour faire du dessin directement sur ton iPad. Le défaut majeur de tous les stylus, pour ceux qui en ont déjà vu pour l'iPad, c'est qu'ils sont généralement très gros. C'est pas mal la grosseur du bout du doigt genre, en général. Fait que c'est pour un dessinateur, là, c'est pas génial. Le niveau de détail, tu peux pas l'avoir. Moi, particulièrement, moi, je suis très, très minutieux dans mon dessin, fait que je suis pas capable de rien faire avec ça. Lui, on a le petit bout là, vraiment très, très précis. On a 2048 niveaux de pression. Fait que ça marche aussi avec la pression. Fait que si tu pèses plus fort sur ton crayon, tu vas avoir... c'est un trait plus fort. D'ailleurs, toutes les tablettes Wacom l'ont aussi, là, c'est juste qu'ils ont réussi à mettre ça dans le crayon. C'est assez intéressant. Mm-hmm. Puis ça fonctionne avec l'iPad 3, l'iPad 4 et le mini. Compatible avec pas mal tous les logiciels de dessin, tout ça. Puis ce qui est plaisant, c'est que c'est juste 100 $. Ah, ben oui. C'est quand même pas si mal. Intéressant. Fait que quelqu'un qui veut s'essayer, ben, qui veut dessiner un petit peu, ben, on traîne son iPad, on a ça, ça coûte 100 $. Avoir un iPad, je l'essayerai définitivement. Mm-hmm. Je trouve que le potentiel est là. Je serais curieux, je vais garder l'œil dessus parce que je sais pas trop. Là, c'est, les promesses sont grandes, mais est-ce que ça va se réaliser? Je sais pas trop. Mm-hmm. On va voir, mais en tout cas, j'ai rien vu parce que moi, je me rappelle avoir cherché, avant d'avoir acheté ma tablette, c'était une des choses qui m'intéressait peut-être de faire. Puis comme de fait, comme je disais, c'est juste les gros crayons. Fait que j'avais rien vu d'intéressant pour ça, puis c'était pour ça que je me suis dit, bon, ça a peu d'importance, j'irai pas pour la tablette 10 pouces, puis il y a aussi l'argent, là, mais c'est une autre histoire. Mais je dirais que ça pourrait être quelque chose. Même travailler un petit peu tes photos sur ta tablette, tu sais, ça pourrait être intéressant. Le potentiel est là. Ben, même, tu vois, sur le Tai Chi, j'en ai un stylet, puis j'ai même pas pris le temps de l'essayer. J'ai installé Lightroom. Mm-hmm. Puis j'ai même pas pris le temps de l'essayer encore, mais là, je dois le faire là, de toute façon parce que on va avoir une critique du Creative Cloud d'Adobe. Mm-hmm. Donc, je vais probablement faire aussi ce test-là avec un stylet, voir comment ça fonctionne, là, faire les petites retouches dans Photoshop ou avec Lightroom et compagnie. Parce que c'est ça. Quel argument de poids, c'est bon. Parce qu'on doit, moi je dois rentabiliser aussi mon investissement. Ben oui, c'est sûr. Enfin, parfait. Ben maintenant on tombe dans les smartphones. Et là, on va parler d'Instagram qui révolutionne un petit peu. Ben, vous avez des comptes Instagram, les gars? Oui. Non. Je l'avais fermé, je l'ai réouvert sous un autre. Puis moi, je l'ai fermé, puis je ne l'ai pas réouvert. OK. J'avais une photo de prise, ça ne valait pas vraiment la peine. Bon. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'utilisateurs d'Instagram à ce jour? Non, mais il doit être plus petit qu'avant décembre. À ce jour? À ce jour, j'ai aucune idée. 35 millions. Stéphane? Tiens, je relance 38 millions. On va rajouter un 100 000 facilement. Il y a 130 millions d'utilisateurs sur Instagram. Wow, OK. Pour un total, évidemment, c'est approximatif, mais quand même, 16 milliards de photos qui ont été postées sur le réseau social Instagram. Vous m'envoyez surpris malgré tout parce que c'est des gros chiffres. Hein? Ben, c'est exactement ce qui amène le sujet, c'est que il y a une révolution en train de se passer avec Instagram. On le savait tous parce que ça démocratise pas à peu près une photo. Bon, il y a les tenants, puis il y a les ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre aussi. Mm-hmm. Ce que ça donne comme effet dans le monde de la photo Instagram. Il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est le Chicago Sun-Times, un journal qui est en impression depuis 65 ans, ouais. Qui a mis le département complet de photographie à pied. Mm-hmm. Ça, c'est 28 employés. Les salauds! Ouais, dont un de ses employés qui s'appelle John H. White, qui a déjà remporté un prix Pulitzer. Imaginez. Bon, oui, mais il devait coûter cher, celui-là. Ouais. Ah, oui. On sait bien que la fin justifie les moyens. C'est peut-être juste à cause de lui qu'ils ont mis 28 personnes à la porte. Non, mais trêve de joke. Ils ont décidé de changer le département photo et d'engager les reporters et leur fournir un iPhone. Parce que tout le monde sait qu'un reporter, en plus de rédiger son article, est très bien capable de prendre des photos aussi bonnes qu'un photographe. Et voilà. Fait que c'est ça la mentalité maintenant. Donc, c'est l'effet Instagram qui se passe parce que, c'est l'effet iPhone puis smartphone. On a ça sur le terrain avec nous en tout temps. Oui. Bon, s'il y a une petite formation qu'ils ont reçue, évidemment, c'est pas qu'ils ne tombent pas des nus. Là. Ils sont capables de faire quelque chose quand même. Mais ils sont capables d'appliquer un filtre. Eh oui, c'est ça. Ouais, mais justement, c'est un filtre, ça déforme un petit peu la réalité d'une autre façon, encore une fois. Et c'est là le problème. Et oui, voilà. Absolument. Combien de temps que ça va prendre avant qu'il y ait une photo Instagram sur la page frontispice d'un journal? Oh, n'importe laquelle, là. Ça sera pas long. Sérieux, je suis sûr que c'est déjà arrivé. C'est peut-être déjà arrivé même. Ben, Christian a raison. C'est déjà arrivé. C'est arrivé sur le non moins populaire New York Times. OK. Il y a eu un portrait fait par Instagram d'Alex Rodriguez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vaguement. C'est un joueur de baseball les New York Yankees qui est en ce moment très, très, très médiatisé parce qu'il y a. Qui est très, très, très dans la merde en ce moment. Les détails, je ne les connais pas, mais c'est une question de drogue, encore une fois. Mm-hmm. Puis de contrat avec l'équipe. Surprise. L'équipe veut pas. Voudrait se débarrasser du joueur. La Ligue veut le suspendre. Parce qu'il y a un contrat. Bon, c'est ça. Il y a un contrat de 100 millions, une affaire comme ça. Oh, ouais, c'est débile. Mais la Ligue veut le suspendre à vie, de toute façon. Mais là, il est en cours. Mais son équipe veut pas l'avoir avec eux autres. En tout cas, regarde. Ouais, il continue à jouer parce qu'il est sous contrat. Mais tout le monde dans les journaux. Puis il se fait huer par sa propre foule. Celle-là est pas payée, par exemple, j'avoue. Mais c'est bien parce que si. Quand on fait des trucs, il faut payer pour un jour. En tout cas, moi, ça m'a frappé de savoir que, OK, on est rendu là, page frontispice, photo Instagram. Là, t'sais, on s'entend ça, que... Ça me surprend pas, moi, parce que, je veux dire, ça a toujours existé, ça, sans que c'était Instagram, mais quelqu'un qui prend une photo qui est à un événement quelconque, même s'il n'y a pas de talent, c'est arrivé que ce soit le Journal de Montréal ou quel autre journal. J'ai un de mes amis, un gars que je connaissais il y a longtemps, qui était à la bonne place au bon moment et il a pris une photo à un certain moment donné. Il était à Montréal, puis il y a le feu sur un toit. Mm-hmm. Puis il y a le gars qui est sur le toit, puis il a gagné un prix canadien pour ça. Mm-hmm. Mais c'est pas un photographe, c'est pas rien, mais bonne place, bon moment, puis sa photo était bonne. Ouais. That's it. Bon. Et si ça vous arrive, sachez que vous pouvez vendre votre photo. Ne la donnez pas gratuitement. Non, c'est ça qu'il avait fait, lui. Il l'avait vendu à la Gazette. Profitez-en parce que ça vaut de l'argent. N'empêche que c'était pas monnaie courante, là. Tu sais, ce genre d'événement-là. Non, il y a le département de la photographie qui est là pour ça. Ça, c'est pire, par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça très triste. Oui, oui. Surtout que c'est pas l'équivalent, quand même, un iPhone puis un photographe. Non, là, on n'a pas du tout la même chose. Là. Instagram, on s'entend, c'est pas une photo 12 mégapixels qu'il y a là-dedans. Là. Tu peux transférer, à la limite, une de tes photos de ton réflexe ou peu importe, puis la mettre sur Instagram. Mais à la base, quand tu prends une photo avec Instagram, la qualité n'est pas là, surtout pour faire la page frontispice d'un journal ou d'un... Bon, un journal qui disent c'est justement la qualité des gens partant sur une photo n'est pas parfaite dans le journal, là, mais... Ouais. Mais ce, qui, enfin. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est pas la photo en tant que telle qui est atteinte, c'est le photojournalisme. Oui, c'est ouais. là que ça frappe. Il y a ouais. vraiment une différence entre les deux. Le photojournalisme, là, c'est oui, parce pas... que le lecteur, c'est plate à dire, mais le lecteur... Le lecteur moyen ne verra pas de différence. C'est ça. Il va voir une photo, il va se dire à la limite, ah, tu sais, c'est pas tout à fait net. Peut-être que ça se pourrait arriver qu'il y ait une photo un peu floue faite par un reporter qui c'est la seule photo qu'il a réussi à obtenir parce qu'il faisait pas assez clair dans son truc ou peu importe. Ouais. Mais pour le moi, lecteur c'est... va peut-être beaucoup moins porter attention à ce genre de peut-être. Truc-là. N'empêche que à la base, le photojournalisme, c'est de rapporter les ouais. faits, ouais. la réalité, oui. de ne pas l'altérer. Absolument. Ça comprend le look de la photo, oui, parce oui. que la photo, normalement, va être là pour raconter une histoire. Oui. Puis ce qui est le plus surprenant, qui risque d'avoir... Moi, il y a quelque chose que je remarque depuis beaucoup, beaucoup d'années. Je vais vous donner un exemple. Un ministre ou un premier ministre à une assemblée nationale ou à un endroit quelconque, qui sont souvent pris avec un objectif très long, ce qui permet d'avoir ton sujet très, très clair mm-hmm. et tout le reste... complètement flou. Oui, c'est vrai. Complètement flou. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'a que lui comme sujet. Mm-hmm. C'est très, très, très évident. Mais là, avec un iPhone, tu peux pas. Fait que ta photo, elle devient beaucoup plus chargée, puis ouais. tu vas le perdre. Tu sais, le monde, ils se rendent pas compte. Ils se disent, bon, une photo, c'est une photo, mais reste que le message, là, sera plus la même chose que ce que tu avais avant, là. Ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il dit que... Tu sais que l'ambiance était comme tu la vois sur la photo. Oui, absolument. Tu sais, si c'était fait. Une journée pluvieuse, c'était gris, avec un petit filtre de chaleur. Tu sais, qu'on rajoute un peu de chaleur. Ou, oh, tout d'un coup, on dirait pas qu'il pleut, on dirait qu'il fait beau. Les gens sont tous bronzés. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ils ont tous pris un coup de soleil. En tout cas, qu'on veut ou pas, on s'en va tous dans cette direction-là. Ouais. C'est assez clair qu'il y a une révolution de ce côté-là. Ça va nous frapper. Ça va frapper votre journal local un jour ou l'autre. Ah, c'est déjà ça. Fait. Les journaux locaux, là, ici... Ah, ben, je parle aussi des grands, des journaux à grand tirage. Ouais, là, je parle de local dans votre ville. Locaux, les journaux de quartier, il n'y a presque plus de photographes. Non, là, c'est vraiment, ça fait longtemps que c'est le reporter, mais la prochaine ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, ben, cela enfin. C'est un peu plus excusable, là, ouais, disons. C'est ça. Ouais. Là, on sait qu'Instagram fait maintenant dans le vidéo. Mm-hmm. Fait que là, ça va-tu être la prochaine étape? Ça va-tu être le cinéma? Ça va-tu être les cinéastes qui vont se plaindre, qui vont dire, ben là, voyons donc, c'est plus le cinéma qu'on doit faire? Mais en ce moment, ça peut changer, évidemment, mais en ce moment, Instagram, c'est quoi, 15 secondes? Oui. Vine, il y a 15 secondes. Attends, 15 secondes, mais, ouais, mais 15 on secondes, peut éditer, tu fais plein de plans. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Tu fais un plan, tu fais un plan, tu fais un plan, tu fais un plan, puis t'es rendu à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Non, c'est 15 secondes total. Mais vous avez pas compris ce que je veux dire. C'est que tu fais un plan, tu fais 15 secondes. Tu fais, mettons moi puis Stéphane, on est en train... C'est ça, tu fais du montage. Moi puis Stéphane, on est en train de se parler. Tu filmes 15 secondes Stéphane, tu te retournes de bord, tu filmes 15 secondes moi, tu prends tes 30 secondes. Tu comprends? Fait que tu pourrais monter un film comme ça. Mais c'est parce que moi, ce que je vois, c'est que ça sera pas commode. Tu peux le faire, tout est faisable, mais je le vois pas ouais, vraiment comme t'as... quelque chose d'utile ou commode à faire. Puis là, à ce moment, de plus en plus de gens ont des télé HD, etc. Tu pourras pas passer un film Instagram, non. Ça va rester sur mobile parce que... Ah ben, garde, les gens disaient, voyons donc, on pourra pas publier des photos qui sont pas... Il y a un minimum de qualité, mais non, ça se fait. Ouais. Fait que tu vois, il y a des choses qui se passent. Je dis pas que je suis pour, là. Mais d'après moi, par exemple, mais je suis d'accord avec Stéphane sur ce point-là que... les gens ont tendance à plus chialer sur le vidéo que sur la photo. La photo, c'est comme... Oh, c'est la pas photo, grave, c'est... ça bouge pas, c'est pas ça. Mais un vidéo, le moindrement pixelisé ou qui est pas beau, tout ça sur une télé HD de 30, 40, 50 pouces, ouf, oui, non, ça marche pas, ça. Ça paraît plus vite. Bon, disons, ça peut briser un peu le... L'avenir va nous le dire. Et une vidéo ouais. Instagram, à moins de brancher un micro professionnel, oubliez pas que le son aussi, hein. C'est pas la même chose. Non, c'est le bout de ce qui va arriver, c'est plutôt... ça a déjà commencé beaucoup. C'est les DSLR qui permettent une grosse démocratisation du film court, etc. Ouais. On en a déjà parlé dans le passé. Ça, oui, mais pour la vidéo... des courts vidéos, ben, tu sais, on dit ça... En parlant, en réfléchissant, on le voit souvent. Regardez juste, mettons exemple, qu'est-ce qui s'est passé au lac Mégantic cet été, mm-hmm. puis qu'on a vu plein de vidéos de monde qui filmait, Mais c'était quoi? C'était des vidéos de cellulaire. Puis on voyait ça aux nouvelles, puis le monde y envoie leurs vidéos. C'est juste que c'est pas le reporter qui le fait. Mais il utilise de plus en plus ça pour éviter à envoyer des reporters, des choses, le monde qui sont sur place. Puis pour mettre en contexte, là, ceux qui sont pas au courant, Christian, du lac Mégantic, c'est quoi? Le lac Mégantic, c'est qu'il y a eu un train qui a explosé, déraillé en pleine ville, puis il y a eu plusieurs morts. Ça... En fait, il était composé, je pense, de 80 ou 90 wagons d'essence. De pétrole. De pétrole, et ils ont tous explosé au centre-ville de la ville de Lac-Mégantic, et ça a été la tragédie totale. Mais ça se peut que même nos auditeurs français l'aient vu, celle-là, semble-t-il. Que ça, dans la journée que c'est arrivé, c'était genre la troisième nouvelle la plus publiée au monde, là, fait que ce serait pas surprenant, là. Mais bon, enfin. Tout ça pour dire que, en tout cas, l'avenir nous le dira, mais je suis un peu d'accord que c'est triste, les photographes. Oui, mais puis en ce qui concerne la vidéo, moi je crois que ça va devenir, ça l'est déjà, extrêmement populaire auprès des jeunes. Ça peut servir à faire des genres d'extraits vidéo pour les nouvelles peut-être, mais de là à s'en aller au cinéma ou un truc du genre... Il y a quelqu'un qui va le faire par un défi à un moment donné, parce qu'il y en a toujours. Le photographe aux Olympiques avec son iPhone, ben, les conditions, quand elles sont là, il fait clair, etc., tu peux avoir une bonne qualité optique. Ben, tu peux peut-être faire la même chose avec Instagram si tu te branches un bon micro, peut-être pour enregistrer le son aussi. C'est, peut-être quelqu'un va avoir l'idée, le flash de faire un truc intéressant ou original à ce niveau-là, mais ça sera pas la majorité. Ça ne deviendra pas une tendance, surtout pas au niveau professionnel de la vidéo. Là. Je crois pas que François va se mettre à filmer une émission par Instagram juste parce que c'est devenu populaire. J'ai une chose à dire là-dessus. Ça fait quand même quelques années que je fais ça, puis ça serait pas la première chose qui me surprendrait dans le milieu. Ah oui, OK. C'est vrai. Il a fallu que je m'adapte deux fois plutôt qu'une, à bien des situations technologiques qui feraient que je travaillerais plus aujourd'hui si je m'étais dit, ben voyons donc, je filmerais pas avec cette caméra-là. Oui, non, mais voilà. Peut-être avec un réflexe ou avec une caméra plus petite. Mais... Ah non, pire que ça. OK, ouais. Les premières caméras mini DV qui sont arrivées, ils ont commencé à faire des émissions de télé avec ça. On était beaucoup qui n'étaient pas d'accord, mais il a fallu faire avec parce que sinon, on n'était pas appelés. Ouais. Il a fallu s'adapter à quelques technologies qui n'étaient pas nécessairement meilleures, mais qui étaient la mode. C'est ça que je veux dire. Ça arrive souvent. C'est un courant de fond qui arrive, puis tout d'un coup, ça envahit le marché, puis il faut y aller. Si on se bute à ça, puis on se dit, ben non, il n'est pas question que je travaille avec ça par principe, ben ça peut arriver que le téléphone sonne moins. Bon. Ben écoute, parlant de mode ou de vague, tu vas aussi nous parler d'utilisation originale de l'appareil photo de notre smartphone. Oui. Je pourrais pas savoir à combien de pourcentage que des gens qui possèdent un smartphone, mais il y en a une maudite gang, comme on dit. Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont un téléphone avec un minimum un appareil photo dessus. Ouais. Donc, même les plus vieux qui sont pas de smartphone ont des appareils photo. Donc, ce que je vous propose, c'est des petits trucs d'utilisation de la caméra, mais pas pour sa première utilisation, pas pour sa première... Vocation, merci Christian. Ça serait d'autres trucs qu'on peut utiliser. Alors, je vous en donne quelques-uns. Sûrement que vous avez déjà utilisé là, ces quelques trucs-là, mais il y en a des fois qu'on se dit « Hey, j'avais pas pensé à ça ». Le premier que je pourrais dire, c'est le pense-bête. Donc, évidemment, on voit quelque chose en quelque part, puis on a envie de s'en rappeler. Ça m'est souvent arrivé. Je prends des notes, là. T'sais. Mais avant d'utiliser Evernote, c'est ce que je faisais. Bon, j'ai découvert Evernote après, mais c'est toujours dans le smartphone. Ben, c'est ça. Je donne un exemple. Un numéro de téléphone. Les heures d'ouverture d'un magasin quand on passe devant. C'est tellement rapide. On pourrait le googler aussi, mais des fois, c'est notre magasin, c'est lui du quartier. En fait, il faut l'utiliser en conjonction avec Evernote. Tu ouvres Evernote, tu dis « Je prends une note, c'est une photo. Merci, bonjour. » J'ai fait ça avec des recettes, moi. Recettes que je prenais dans les magazines que ma copine a là. Je prends les photos des recettes que je veux, puis j'ai tout mis ça dans Evernote. J'ai mon carnet recettes. Ça a réglé mon problème. Ouais, c'est tellement plus rapide que tout transcrire à la main. Oui, puis elle a fait la même chose, mais avec des livres. Quand tu trouves des livres intéressants dans ces recettes, plutôt que de découper. Parce que c'est ça, au début, elle avait commencé le scrapbooking. Tu coupes, puis tu mets ça, puis à un moment donné, c'est comme tanné. Elle prend des photos. Bien plus rapide. Oui. Ah, c'est ça, c'est rapide, c'est ça qui est le fun. Ouais, ouais. D'autres idées, menu de restaurant. un restaurant qu'on vise à aller un peu plus tard, ben, tu prends une photo du menu dans la vitrine. Oui, oui, on idée. Stationne c'est vrai, le c'est numéro bon, de la place du stationnement. Oui. Un plan de ville, quand on est dans une autre ville, puis on a le plan sur une colonne Maurice, on le prend en photo, on peut partir dans le quartier. Si on n'a pas de connexion Internet, on l'a le plan. Mais même c'est pas bête. C'est ben, vraiment bon, celle-là, j'avoue que j'avais pas pensé à celle-là. Ben, d'autres c'est comme très bon. Un sentier, quand on part en forêt, il y a souvent une carte là, quand tu arrives sur le mm-hmm. site qui parle de plusieurs sentiers qu'on peut emprunter. Ben, mm-hmm. on peut prendre une photo là. Encore une fois, on se stationne le nom de la rue où on est stationné. Oui. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais il y a des gens qui, ben, des fois, ça peut être commode, ça en ont besoin. Une bonne bouteille de vin. Tu sais, t'es invité ça, chez ça, des amis. Ça, je l'ai fait. Oui, ouais. Oui, c'est clair. On s'en sert. Il y a sert. Des applications pour ça. C'est pas oui, il y en a, mais il y a mais rien ça comme... peut être commode. Ça peut être commode, ça aussi. Oui, oui. Parce que tu n'as pas toujours envie non plus de chercher dans l'application. Tu te dis, je prends la photo, je vais regarder plus tard parce que là, je suis en train de discuter à table avec des gens. Puis tu fais ça discrètement. Ploup, une petite photo. Puis... Ouais, mais c'est la même chose. La ouais. photo, l'application, elle prend la photo de ton code barre. Ah, bon. C'est ça l'affaire. C'est vrai. Juste un détail de même. Oui. Un autre truc, puis ça, c'est un truc que probablement les filles se sont servies en premier tout de suite après l'appareil photo, c'est le mode miroir. C'est-à-dire, mm-hmm. quand tu as un smartphone avec une caméra frontale, ben ça devient un miroir carrément. Fait que très pratique pour une petite retouche de maquillage ou checker si tu n'avais pas une tache ou un peu ou de perçant entre les dents. Les dents ouais. c'est pas bête. Une autre utilisation bien pratique, la loupe. Ouais. La plupart des appareils ont un zoom dessus. Mm-hmm. Donc, on peut s'en servir pour aller grossir des petits détails sur des mini-caractères, quelque chose qu'on n'est pas capable de lire. On peut enfin lire son contrat d'assurance habitation avec son smartphone. Mais ce qu'on veut, ça, c'est le détail. Si on ne peut pas le faire live, si je pourrais dire, le zoom, tu prends une photo. Quand tu vas en mode lecture de photo, ben là, tu peux agrandir la photo avec, avec les doigts ou les boutons. Là, absolument. Ça. Donc, c'est une autre utilisation pratique. Si vous êtes un peu bidouilleux comme moi, vous aimez ça de défaire des appareils pour les réparer, ouvrir, ben, prendre une photo une fois que c'est démonté pour savoir où les pièces vont quand c'est temps d'y remonter, ça ou peut plusieurs être bien pratique. Étapes à plusieurs étapes de quand exactement, tu le défais. Exactement, oui. Donc, ça va être un autre truc pratique aussi. Savez-vous aussi, ça c'est un truc que je me sers quand même assez souvent à ce temps-là, c'est prendre une photo d'un document légal. Autrement dit, faire comme un scanner. Mm-hmm. Au lieu de prendre le document et de le foutre dans son scanner, prendre une photo. On peut tout de suite l'envoyer par email. Le téléphone, il a toutes les fonctions possibles pour envoyer le document où on veut. Mm-hmm. Donc, moi, de ce temps-là, j'avais beaucoup de documents légaux à envoyer. Mais au lieu d'aller au scanner, ben, je prenais une photo, je l'envoyais directement à la personne concernée. Ça allait hyper rapidement. Mm-hmm. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est que si on a notre ordinateur de bureau plante, fonctionne pas, il y a un message d'erreur qui apparaît. Puis on n'est pas capable d'aller faire la capture d'écran parce que l'ordinateur est planté, ben tu te photos avec le téléphone. On va se rappeler du message d'erreur s'il faut rebooter. Ou... Ça fait des années que j'ai pas pris en note un nom d'un serveur dans une salle de serveur ou d'une imprimante. Je prends des photos à chaque fois, bien plus vite. Oui, ouais, tout à fait. Fait que ça donne pas mal la liste des trucs, mais si vous, les auditeurs, vous avez d'autres trucs à nous donner sur l'utilisation d'une caméra avec votre smartphone, ben allez-y. Écrivez-nous à Onumérique. Podcast. Non, mais en fait, ils pourront même commenter dans les notes d'épisode. Oui, absolument. Vous pouvez commander directement sur le site ou nous envoyer un email aussi. Oui, c'est à podcast@objectifnumérique.com. Merci Stéphane. C'est parce que c'est rare que je nous écris. C'est vrai. Il y a ça. C'est même. Oui, c'est ça. Et on passe maintenant à la critique du téléphone Sony Xperia Z qui est disponible depuis quelques mois en Europe, mais qui est arrivé à la fin juillet au Canada. Qui est une exclusivité de Bell, d'ailleurs. Et j'ai rien ni contre Bell ni contre Sony. J'espère bien. Je n'aime pas les exclusivités. J'ai un fournisseur. Petite parenthèse, pourquoi je dis j'espère bien? C'est parce que je suis moi-même employé de Bell. Fait que c'est juste pour ça. Ben, je suis mais client, je suis d'accord. Honnêtement, je suis d'accord. J'aime pas ça, moi non plus, les exclusivités. Il y avait le Nokia 920 chez Rogers. Mm-hmm. C'est ça, le 10-20, je crois, maintenant, puis c'est la même chose. Qui va être peut-être TELUS Rogers. Ouais, mais quand même, moi, j'aurais peut-être aimé ça l'avoir, mais je peux pas, je suis chez Bell. Ben oui. Je trouve ça dommage. Et enfin. Toujours est-il que, pourquoi on vous parle de ce téléphone, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est que Il y a un appareil photo quand même intéressant. Donc, mais l'appareil, le téléphone lui-même est vraiment intéressant. On parle d'un écran 5 pouces 1080p. Donc, excellente résolution. Ça donne une densité de 443 points par pouce. Donc, on est loin du Retina Display d'Apple à 300 quelques. Disons que ça avance vite la technologie là-dedans. Et faut pas oublier aussi qu'il est beaucoup plus gros aussi. Oui, oui, un écran 5 pouces, là, c'est quand même gros, c'est imposant. Mais c'est ça, et toujours est-il que pour l'affichage, on a le moteur Bravia 2 qui se retrouve dans les téléviseurs Sony. Donc, c'est quand même, il y a un bel affichage. L'écran aussi est spécial, il y a un petit peu moins de reflets que j'ai comparé avec l'iPhone 5. Là. C'est pas majeur. Mais je vois ce que tu veux dire, j'y regarde, là, j'y vois l'un à côté de l'autre. Je dirais peut-être un 20% de différence là, dans les reflets, là, donc ça peut être intéressant, surtout à l'extérieur. Là. Et c'est toute une bête, on parle d'un processeur, hein, quadricœur Snapdragon, 1,5 GHz et 2 Go de mémoire vive. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable, moi ça me fait capoter. C'est très rapide. 16 Go de stockage et il y a une fente micro SD pour étendre à au moins 32 gigaoctets de plus, je crois, si c'est pas 64. Mais en tout cas, au moins 32 de plus. Il y a une puce NFC qui est intéressante pour le jumelage par contact avec des accessoires Sony, comme un téléviseur, des petits haut-parleurs Bluetooth, des trucs comme ça. Il suffit de faire un contact avec l'accessoire pour les jumeler plutôt qu'entrer le fameux code Bluetooth ou peu importe, qui est toujours 0000. Ouais, ouais. Et aussi, on peut échanger... partager du contenu d'un appareil à un autre, d'un simple contact. Donc, un peu comme avec l'application Bump là, qu'on avait au début sur iPhone. Ou comme le Panasonic GF6 que je vais parler au prochain épisode. Oui. Avait aussi la NFC. Ah, je savais pas. Intéressant. Oh, oui, oui. Bon, j'ai hâte d'en entendre parler. Parlant de NFC, il faudrait que l'iPhone, il y en ait une. Là. Ben, en fait... À peu près les seuls qui n'en ont pas. Là. Ouais, ben là, il y a... Les rumeurs, quoi. Ouais. Mais, non, mais vous en savez, fait, je ne suis pas sûr qu'ils vont adopter la norme NFC parce que, c'est... en tout cas, je ne suis pas... C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Il y a des rumeurs surtout que c'est pas sécuritaire, supposément, mais c'est... En tout cas, les rumeurs font dire ce qu'elles veulent. Autant d'un côté comme l'autre, c'est comme les sondages. C'est sûr. Enfin, mais toujours est-il que j'ai pas encore parlé de l'appareil photo. L'appareil photo... On parle d'un capteur XMORE de 13 mégapixels et tout comme l'Xperia ZL dont je vous ai parlé il y a plusieurs épisodes, c'est un appareil intéressant parce qu'il y a un mode rafale. J'ai testé le mode rafale, j'ai gardé mon doigt sur le déclencheur et là je voyais les photos passer, 100 photos, 150 photos, 200 photos, je me suis rendu à 229 photos. Et l'appareil continuait d'en prendre et aurait continué probablement jusqu'à ce que je remplisse la mémoire, l'espace de stockage, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de... La mémoire cache est très rapide, le processeur est hyper rapide. Donc, il n'y avait pas de « veuillez patienter, on enregistre les pas photos ». Pas de limitation de mémoire tampon. De mémoire tampon. À 12 mégapixels la photo? Oui. J'étais en mode « mid » qu'il appelle. Il y a « low », il y a « high » puis il y a « mid ». Puis, c'est... En fait, j'ai pas compris d'ailleurs ce truc-là parce que low, ça donne l'équivalent, je pense, de 720p. High, ça donne 1080p. Puis mid, t'es en pleine résolution. OK. Genre 4000 par 3000 quelque chose ou quelque chose comme ça. Et ça y allait par là. Et c'est ça. Puis là, je me suis dit, je vais arrêter parce que là, il faut que je les efface une à une, ces photos-là. C'est à moins de passer par un PC ou quelque chose. Mais non, parce que l'appareil crée un album à chaque rafale. Donc, c'est génial de ce côté-là. Ça permet une gestion beaucoup plus facile, exactement. Mmh. Mmh. Donc, j'avais fait deux rafales, une de 11-12 photos, puis l'autre de 200 quelques, et ça n'a pas été trop long. Une chance. Oui, oui. Mais par contre, les contrôles dans l'appareil photo, c'est plus ou moins intuitif. Y a très des minimal trucs... aussi. Oui, c'est assez minimal. Minimaliste et il y a des fois où tu te dis ben est-ce que je dois appuyer sur le bouton retour back ou bien là est-ce que j'ai un menu accessible, je le sais pas trop. Mais ça en tout cas ça c'est pas pire, c'est un mal pour un bien parce qu'il doit avoir un équivalent d'un caméra plus comme pour l'iPhone pour Android. Après tu installes une application puis là il y a pas de problème mais c'est moins intuitif un peu. Là. Tu peux faire un paquet de trucs, mais c'est juste qu'il faut les trouver, ces trucs-là. Ouais. Tout comme moi, je trouve, tu sais, pour avoir pris quelques photos avec, comme je te disais, que j'y trouve sombres, les photos. Je trouve que ils sous-exposent un peu. Fait que... Ben, faut dire que c'est pas super éclairé ici. Ouais, dans le mais studio, pour avoir pris des photos avec mon téléphone ou avec un autre, j'ai pas eu ce problème-là quand même. Je trouve que lui, il était un petit peu sous-exposé. Fait que. Puis j'ai regardé un peu des menus pour essayer de trouver quelque chose, puis j'ai pas trouvé rien vraiment. Fait que... Parce que mais ça, bon, c'est pas qu'on majeur, peut... l'entendons-nous, là. Non. Mais je sais qu'on peut changer la valeur ISO. Mm-hmm. On peut changer, on peut mettre... Il y a un mode HDR, évidemment, il y a le mode rafale dont je parlais. Et il y a un mode d'effet photo. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le processeur est tellement puissant qu'on voit tous les effets, tous les modes d'effet de photo en temps réel. Wow. Donc, on a comme 9 cases où on voit la couleur partielle, filtre, nostalgique, œil de poisson, miniature, croquis, kaléidoscope. Enfin, les 9 modes affichent une petite photo. C'est comme impressionnant. Ça, c'est très, très, très impressionnant. Ouais. Je te dis, quand tu regardes, quand je t'ai dit, je promenais avec, je faisais des choses, puis ma tablette, là, mon Nexus 7 a l'air d'une lenteur effroyable par rapport à ce téléphone-là. C'est... Écoute, 4 quad-core à 1.5 GHz. C'est... Ouais. il y a plein d'ordinateurs de maison qui n'ont pas ce processeur-là encore. Exact. Fait. Pensez-vous à ça, là, dans 5 ans, là, que ça va avoir l'air? C'est incroyable. Ouais. J'ai trouvé le petit bouton plus-moins pour l'exposition ici. Faut que tu te mettes en mode normal parce qu'il se met par défaut en mode intelligent. Intelligent supérieur, je sais pas trop. Et ça, il y a un paquet de modes là-dedans, le nuit, etc. Là. Et, mais dès que tu changes le mode, t'appuies sur le petit appareil photo. D'ailleurs, on l'entre les mains, c'est pour ça qu'on, qu'on a les réactions à chaud comme ça. Mais dès qu'on change le mode, là, on a vraiment un plus grand contrôle des options. Mais l'appareil, en tout cas, c'est peut-être moi là, qui n'ai pas trouvé l'option, mais l'appareil revient toujours en mode intelligent, là, supérieur auto, quelque chose comme ça. Et mais je confirme que ça règle le problème de là. Bon, alors voilà. Enfin, l'appareil prend de bonnes photos. Par contre, quand c'est sombre, moi, je l'ai monté à ISO 800 et on voit beaucoup de bruit, là, de grains dans l'image. C'est pas surprenant à la grosseur de capteur qui doit avoir là-dedans. C'est ça, c'est minuscule. C'est un capteur de téléphone. Mais sinon, ça fait quand même des bonnes photos. Puis à ISO 800, justement, j'ai pris une photo de mes enfants. Puis des enfants, ça bouge, hein, mais la vitesse était bonne. Là. Il n'y avait pas vraiment de... ou très peu de flou là, à ce moment-là. Donc, ah oui, et l'autre caractéristique intéressante de ce téléphone, qui n'est pas la moindre, c'est qu'il est hydrofuge. En fait, il peut aller sous l'eau, à 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes, je crois. Oui. Donc, moi, c'est vraiment le feature qui m'intéresse le plus. Ouais, pour moi, c'est ça qui ferait que je l'achète. Mm-hmm. Oui, il est puissant, il est rapide, mais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est le premier? Ben, en tout cas, il y en a quelques-uns qui ont à peu près la même mais vitesse de processeur. Mais pas avec une puissance comme ça, qui peut aller dans l'eau? Non, qui peut aller dans l'eau vraiment comme ça, aussi puissant, c'est le premier. C'est ça. Moi, c'est ça qui fait que c'est un... Ouais. C'est assez plaisant, considérant le prix que tu payes pour ce genre de gadget que tu peux tuer en exactement en quelques secondes. Puis ben, si tu t'évites un mot de tête supplémentaire ce faisant, c'est intéressant. Quand il y a eu le show de YouTube à Montréal là, il y a quelques années, oui. Le deuxième soir, je me rappelle bien, il y a eu une ondée là, incroyable. Il y a eu un torrent d'eau qui est tombé du ciel. Je me demande combien de personnes ont perdu leur téléphone ce soir-là. Combien il y a eu de décès de téléphone. Oui, parce que c'était impossible de le mettre sur soi en quelque part. Si tu n'avais pas un sac de plastique puis de le protéger, c'était impossible. Il y avait de l'eau à pu finir. Ouais. Alors, un truc, apportez-vous un petit sac Ziploc. Oui, là, oui. Pour, puis si vous étonnamment, allez dans... tu peux quand même continuer à l'utiliser malgré le sac Ziploc. Oui, c'est vrai parce que le courant passe au travers de la pellicule plastique. J'ai découvert ça à Oshiaga l'année passée. J'ai même pas pensé, moi, parce que je suis allé à Oshiaga l'année dernière, puis... J'y ai pas pensé plus cette année. J'ai complètement oublié de l'amener cette année. Pourtant, je me suis fait tremper, mais ben, j'étais chanceux. Ça. Cette année, moi, je suis allé le soir avant le festival, parce qu'on était invité par Sennheiser, que j'aimerais remercier d'ailleurs, parce que j'ai eu une belle paire d'écouteurs dont je me sers pour le podcast. Et il pleuvait, ben, il venait de pleuvoir, en fait, et on avait peur qu'il se remette à pleuvoir, là, parce que, évidemment... c'est pas tout le monde qui avait un parapluie ou quoi que ce soit. Donc, s'il s'était mis à pleuvoir, il y aurait peut-être eu des téléphones qui auraient subi des dommages. C'est sûr. Enfin. Donc, moi, je trouve que c'est un appareil, en tout cas, pour revenir au Xperia Z, un appareil très intéressant. Ça fait un peu gros quand on est habitué, disons, à un appareil un peu plus petit comme un iPhone, mais sinon, c'est, l'écran est assez superbe, bonne qualité d'écran. L'affichage 1080p, si vous voulez, si vous voyagez beaucoup, vous voulez regarder des films là-dessus, c'est assez intéressant. Et bon, l'appareil photo, ben, à moins d'être vraiment toujours en faible luminosité, là, puis de devoir monter l'ISO au maximum, sinon à l'extérieur, vous allez faire des très beaux clichés, puis même sous la pluie, vous pourrez vous amuser à filmer quand il pleut dehors, hein, dans le fond. Ben oui. C'est ça qui ça amène oui? Tous ceux qui se servent de GoPro ou de... Bon, c'est peut-être pas la même qualité, mais pas loin, ça doit quand même... Peut-être pas la même robustesse, par contre, si vous voulez faire de la planche à neige ou quelque chose comme ça... aussi en faisant du sidou ou de la moto marine. En fait, si vous voulez faire ça, mais que vous tombez, et d'ailleurs, on entend le son très fort. Oui, désolé. Mais non, c'est ça. Donc, en moto marine, si vous tombez et que vous l'avez, peut-être qu'avec le choc de la pression dans l'eau, je suis pas sûr que ça va être aussi résistant peut-être qu'une GoPro. Non, on s'entend que c'est fait pour être sous l'eau, mais peut-être pas non, c'est ça. Donc, avec des chocs. Peut-être pas pour des sports extrêmes, mais définitivement pour dans l'eau. Vous voulez filmer des gens qui plongent, vous vous mettez juste à 50 cm ou 1 mètre sous l'eau, puis vous allez voir la personne entrer dans l'eau, ça peut donner des films intéressants aussi. Une chose que j'aurais peur, c'est peut-être pas assez de luminosité, par exemple, c'est juste ça. Ben, une journée ensoleillée, si t'es juste à 50-60 cm dans l'eau, peut-être. Il y aura amplement de lumière. L'intérêt est là, mais c'est justement, on peut pas l'essayer parce qu'on n'a pas de choses pour nos caméras, mais j'avoue que je l'essayerai. Ouais. Enfin, donc, bel appareil, en exclusivité chez Bell. Et l'appareil n'est pas très cher, d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose comme 100$ ou 150$ avec une entente de 2 ans. C'est vraiment pas cher. Pas si mal. Enfin, pour les auditeurs québécois, allez sur bell.ca, vous allez le trouver. Ouais. C'est à peu près le seul endroit, de toute façon, où vous pouvez vous le procurer. Donc, et voilà, ça conclut ce petit segment. Et on passe à une deuxième critique, la critique du Fujifilm ES50EXR. Rapidement, il y a une chose qui est probablement la chose la plus importante de cet appareil que vous devez savoir tout de suite, qui va probablement en faire tomber quelques mâchoires. Il y a un zoom 42x sur cet appareil. Okay. Pas un zoom numérique, un zoom optique de 42x. C'est assez impressionnant. Oui, On parle dans le fond là, d'un zoom de 24 à 1000 millimètres. Et étonnamment, c'est ça qui est peut-être le plus surprenant, de 2.8 à 5.6. Wow! C'est pas si mal, franchement. À 1000 millimètres, ben oui. Oui, c'est pas si mal. On parle d'un appareil photo avec un capteur à 16 mégapixels, un autofocus à 0.05 secondes, supposément le plus rapide au monde, 11 images à la seconde en résolution maximum, mais 5. Tu sais, on parlait justement de mémoire tampon. Lui, c'est 5 à 11 à maximum résolution. Fait que c'est pas énorme. Là. Bon, 1080p, 60 images par seconde, ce qui est quand même très bien. C'est bien, ça. Mm-hmm. Un écran de 3 pouces à 920K. Bon, tu sais... Tu parlais justement du zoom et compagnie. C'est un bridge. C'est un bridge, oui. Oui. Ben, je parlais juste un petit peu des choses, mais oui, c'est un bridge dans ce cas-ci. Donc, un boîtier format réflexe, mais avec un objectif fixe. Exactement. C'est ça, on va commencer un petit peu à parler par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très agréable à utiliser parce que oui, ça a l'air d'un DSLR, un réflexe, mais c'est un petit peu plus petit. Et beaucoup moins lourd. Oui, c'est plus léger. Hein, c'est assez ça. Léger même. Même qu'au début, tu dis, bon, la construction est correcte, là, mais tu sais, ça paraît que c'est pas en métal ou rien de ça. Là, je dis pas que si tu l'échappes à terre, il va casser en morceaux, là, mais tu sais... C'est pas ça en alliage de magnésium. Non, machin, c'est ça. Là. Moi qui étais habitué à ma grosse caméra, là, je la trouvais très, très, très légère, là, celle-là. Mais par contre, c'est justement, c'est probablement un de ses bons points parce que c'est facile à utiliser. Puis, malgré le fait qu'il y a un énorme zoom, ça rajoute pas trop de poids. Il y a un écran pivotant qui est correct, là, rien d'exceptionnel, là, mais c'est correct. Qui pivote comme à 90 exactement, degrés, vers le haut, vers le bas, etc. Okay. L'autofocus, je l'ai trouvé assez rapide et même assez efficace, franchement, là-dessus. Puis, surtout la longueur du zoom, parce que des fois, ça peut aussi causer des problèmes ou quoi que ce soit. Non, dans ce cas-là, j'ai pas eu de problème. Okay. Puis, j'étais au zoo de Grimby, pas au zoo de Grimby, excusez-moi, au parc safari. Mm-hmm. Ça fait que ça a été l'appareil idéal pour ramener là. Ça m'a permis de prendre des assez bonnes photos. C'est vrai, j'ai été... animaux, là. Ouais, j'ai été agréablement surpris. La qualité est correcte, la qualité visuelle, particulièrement quand on est au plus rapproché, quand l'objectif est rétracté. Okay. Là, c'est sûr que l'image est plus belle. Par contre, et là, on va tomber dans les points négatifs, quand on tombe au maximum du zoom, quand on est au bout, on voit qu'il manque un peu de piqué. Là. La netteté... Ouais, est... Mais si on applique la règle là, qui est de une fois et demi à deux fois la focale, si t'es à 1000 mm, ça te prend un 2 millième de seconde. Là. C'est ça. Fait que c'est pas... Il faut que tu sois en plein jour. Exactement. Et, fait que là, c'est pas super. Là. C'est pas magnifique. Mais c'est pas si pire. Là. Entendons-nous, là, c'est pas... Je défie la majorité du monde quand même de voir une différence. J'en mettrai des photos. Puis vous allez voir que j'étais quand même agréablement surpris. Mais on le voit, là. Je le vois, la différence entre les deux. Mais je pense à ça. 1000 mm, ça doit être parfait pour faire des photos de lune. J'ai pas essayé. Ça m'a sorti de l'esprit. J'aurais dû essayer, mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé. Toi, Stéphane, tu fais des super belles photos de lune. À combien tu les faisais? Merci. À 250. Parce que mon objectif arrête à 250 mais mm. Mais la seule chose, par exemple, c'est l'ISO est assez moyen. L'ISO, c'est pas mal 800 le maximum. Ça, c'est dû à cause que, justement, c'est un capteur qui est relativement assez petit. Mais une photo... Je sais ce que tu vas me dire. Tu peux faire une bonne exposition, mais en tout cas, je sais pas. Disons que j'ai essayé pendant mes vacances de prendre quelques photos de la Lune, tout ça même avec mon appareil photo, puis les résultats étaient... Mais c'est que ça te prend un trépied, absolument. Ouais, j'avais un trépied. Okay. Moi, j'étais à ISO, même pas 400, là, peut-être 100 ou 200 ISO. C'est juste que ça dépend de ton ouverture. Je me mets à F11, mais tu es sur trépied, puis ton exposition est comme, je sais pas moi, un cinquième de seconde, quelque chose comme ça. Mais vu que ton ISO est bas, ça aide que ça soit pas complètement surexposé. Là, mais enfin. Mais je serais carrément curieux. J'aurais pu l'essayer. Ça m'est sorti de l'esprit. Mais c'est pas grave. C'est la première fois, je pense. Je l'ai presque pas fait. Je l'ai fait un petit peu pendant mes vacances. L'été dernier, j'en ai même pas fait une photo de lune. Ça faisait 2 ou 3 ans que j'en avais pas fait quand je l'ai fait la semaine dernière, je pense. Donc... Puis, une autre affaire, ça vous allez rire de moi, mais ça m'a fatigué, j'ai trouvé ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, c'est étrange, c'est que quand on sort le zoom, il y a les mesures sur le dessus du zoom, fait que t'as comme une ligne blanche qui ressort avec tes mesures, je sais pas, j'ai trouvé ça... C'est rétro un peu. Ouais, mais je sais pas, je trouvais ça bizarre. Regarde, vous allez me dire, c'est le snobisme, là, ça me dérange pas, je le prends amplement. J'ai juste trouvé ça étrange. Je sais pas trop pourquoi qu'ils ont fait ça, dans le fond, c'est pas vraiment nécessaire. Tu vas le trouver pareil. Ouais, dans le fond, c'est que quand tu prends une photo, à moins d'avoir un besoin spécifique, t'as pas nécessairement besoin de savoir à combien de millimètres. C'est justement, fait que là, je comprends pas le but d'avoir mis ça réellement. Mais bon, en tout cas, c'est pas que c'est pas apprécié, là, mais c'est juste... Ils ont eu un rabais sur la peinture blanche. Ouais, peut-être, je sais pas, j'ai trouvé ça juste étrange. Mais sinon, en tout cas, regarde, comme je disais, ce que j'ai beaucoup apprécié, bon, c'est un bridge, fait que c'est presque comme des SLR, mais beaucoup plus légère. Mm-hmm. Fait que ça, définitivement, c'est très gagnant. Puis... je sais pas, l'ergonomie, les menus étaient bien organisés, tout ça, fait que c'est quelque chose que je recommanderais quand même parce qu'elle est pas très chère. On parle de 450-500$. Fait que c'est quand même assez raisonnable. Oui. Ben moi, j'avais commencé avec un bridge Kodak au début. Kodak n'existe plus aujourd'hui, est en faillite, mais c'est ce que j'ai. Ils se sont sortis. Oui, de la faillite. Oui, pour garder l'impression de photos, je crois, oui, des trucs comme et ça. Et la marque Kodak a été rachetée pour pouvoir faire des caméras. Fait que Ouais, c'est ça. Il y a. Enfin. Mais j'avais un bridge au départ parce que j'avais pas suivi de cours de photo, puis je voulais juste m'intéresser. C'était un viseur numérique à l'époque, puis il y avait du délai, puis c'était atroce, mais c'était quand même bien. Puis justement, pour quelqu'un qui ne veut pas dépenser trop d'argent, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça donne vraiment le feeling d'un réflexe plus léger, comme tu dis. Mm-hmm. Mais ça te donne un super zoom. Ça te donne un zoom comme tu n'auras jamais. Mais comme tu n'auras jamais. Avec un réflexe. Parce que tu ne peux pas te permettre d'acheter un 1000 mm sur un réflexe. Là, c'est impossible. Rapport qualité-prix, je trouve qu'il vaut définitivement la peine parce que ce zoom-là est impressionnant pour qu'est-ce qu'il arrive à faire. Puis quand je dis qu'il manque de détails, là, c'est pas... Ben, c'est que c'est normal, en quelque normal, part. Exactement, c'est normal, exactement, c'est ça. Parce qu'à 1000 mm, comme je dis, il faut être à 1 2 millième ou presque, 1 1500e ou 1 2 millième de seconde pour pas que tu aies de flou de bouger, là, sinon... Ouais, puis c'est pas pour rien que les objectifs à 1000 mm dans le professionnel valent 20 000 $ et plus, voilà. Là, 25 000. Il y a une raison. C'est que tu as quelqu'un à l'intérieur qui stabilise, je pense. Oui, c'est ça. Il vient avec ses nains pour l'aider à stabiliser. Mais en tout cas, bref, non, c'est ça. Puis, un petit détail d'ailleurs, par contre, je dois dire, c'est ça, la construction est assez bonne que quand l'objectif est sorti, tu n'as pas l'impression qu'il brasse trop, tu sais, qu'il monte ou qu'il descend. Tout ça, c'est quand même assez solide. Mm-hmm. Non, j'ai bien aimé mon expérience avec ça. Puis de toute façon, comme je disais, c'était la journée parfaite pour l'amener à part ça. Ben oui. J'ai été très content de l'avoir pour pouvoir faire mes tests à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Je le recommande à quelqu'un qui serait intéressé. Pour ce prix-là, rapport qualité-prix, il vaut vraiment la peine. Parfait. Ah bien, ça conclut cet épisode, ma foi, un peu plus long qu'à l'habitude. merci beaucoup, François. Merci Stéphane. J'ai fait exprès parce qu'il y a plein de chips dans la bouche. Oh, c'est pas fin. C'est trop gentil. Et merci Christian. Merci Stéphane. Allez, merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Je ne sais pas si c'est parce qu'on répond à trop de questions à chaque épisode, mais on a moins de questions des auditeurs un peu par le biais du courriel. Quoi qu'il y en a qui nous envoient sur Twitter et compagnie, mais on a moins de courriels avec des questions. Et n'hésitez pas à mettre des détails. Si vous dites « j'hésite entre deux appareils, lequel je devrais acheter », bien dites-nous à quoi ils vont servir. Est-ce que vous avez un peu un petit bagage en photo? Avec quoi vous photographiez en ce moment? Un peu les raisons, votre budget aussi, des trucs comme ça. Le plus d'informations pour nous aider à vous guider, en fait, parce que, bon, évidemment, on ne peut pas trancher toujours nécessairement c'est noir, c'est blanc, c'est celui-là pour tout le monde, mais en ayant un peu plus d'historique qui accompagne votre question, un peu plus d'informations, on va être en mesure de vous aider à magasiner tout ça. Donc, vous nous envoyez questions, commentaires et suggestions à podcast@objectifnumérique.com. Pour le défi photo, vous nous envoyez votre photo à défiphoto@objectifnumérique.com. Et pour nous suivre sur Twitter, c'est Au Numérique. Et sur les autres réseaux sociaux, vous cherchez tout simplement Objectif Numérique. Merci, à la prochaine!